On passe à un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 24 février 2014. On va vous mettre en forme, comme on le fait tous les matins, oui. Entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Oui, monsieur. Comme genre maintenant. Là. On est en direct là. Ça se passe là. Ça repassera pas, ça. Non. C'est trop plat. D'ailleurs, pour prouver qu'on est en direct, okay. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mets-toi tout nu. OK. J'ai toujours rêvé de oui. Ça à la radio. Tu peux écouter du reptile, du serpent. Dans le sens que t'as goûté à ça, toi, ou non, c'était offert? Okay, c'était ouais. Offert. C'était offert. Il y avait du kangaroo. Je sais pas pour toi, mais j'arrête pas de recevoir des spams sur mon courriel. OK. Ça fait viande de kangourou pour vous grossir la poche. Ah mais oui, tu l'as eu. Oui, je sais. Tu l'as vraiment bien eu. Oui, ouais, ouais, vraiment. Je suis énervé un petit peu. J'ai même moite. Simon Kearney. Kearney. Les chemins en gravel. Ah, c'est qui lui? Elle connaît pas. Elle connaît pas. Le plus gros déchet humain, numéro 2, on se comprend là-dessus. Oui. Fossilisé, a été laissé par un viking à Yorkshire il y a 1200 ans. Ils ont dû soulager leur stress. Oui. Il devait être sur Facebook à la toilette. Il était en train de faire son nouveau record à Flappy Bird. Ah oh, ouais. Maintenant, le Flappy Bird, je vais l'associer à ça. Je trouve ça dégueulasse. Bon, excuse-moi. Je vais en faire Flappy. Je vais aller faire Flappy. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. T'es pas mal comme ça tous les jours, en fait. Ben oui. Tous les jours de ma vie, je me réveille puis je fais « Ouah, c'est moi! Je suis moi! » Oh non! Je suis Jean-Philippe Charbonneau. Oh non! Oh non! Ah okay. Non, toi, tu connais ça? Running gag sur une pub qui joue assez fou. Vous la reconnaissez si vous la connaissez. Ouais. Sinon, ben, Colin, écoutez, c'est fou, hein? On la sépare en plusieurs morceaux. C'est comme en pièces détachées. C'est comme le titre de l'émission. C'est ben, le slogan, si on veut. C'est l'émission en pièces détachées, tu sais. Oui. Puis, ouais. Ben, il y a l'assemblage requis, c'est ça? Assemblage requis, ouais. OK, c'est ça. C'est ça. Le long de l'émission, oui, c'est bien, assemblage requis. OK, ouais, c'est ça. Tu l'as? Ouais, enfin. Ah, du premier coup. Voici Whale Song sur C'est fou. 89 FM. J'entends des baleines. Blou blou blou blou. Miaou. Miaou. Les fils de Teddy Roosevelt, Kermit Roosevelt et Miss Piggy Roosevelt. Ben oui, c'est ça. Et Théodore 4. C'est génial. Alors, ça. On la voit pas souvent. Non, c'est vraiment. Kermit. Kermit. Hey. Ah, voilà pour son foutu palmarès. Quand ça finit par un ah, tu sais que ça a été une bonne émission. Voilà, mais des fois faut faire un petit quelque chose de différent. C'est raviver la flamme. C'est ça. Exactement. Ouais. Ouais. T'as passé donc une belle soirée, c'est ce que ça veut dire, je pense. C'est ça. Oh ben non. L'exemple c'était écolière. Oui, oui, oui. Toi. Ben, oui, mais tu m'as vu aller à l'impro en écolière. C'est ça. Un tout petit. Il va être petit, mais tu sais, c'est pas la longueur hein, qui importe, c'est la ben, largeur, je pense. Ouais, c'est ça qu'ils disent, je pense. Je pense ça qu'ils disent. Ou l'hygiène. La propreté. L'odeur. L'odeur. Mathieu Roy de la GQTR. Ça va? Bonjour à vous. Bonjour. Wow. Bienvenue à C'est fou. Ouais, ou C'est fou, la radio. Fou. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Philippe. Salut. Salut. Belle journée devant toi. On est à Assemblage requis et je me trouve avec quelle pièce? Avec quelle pièce? Ouais, ben Assemblage requis. Je pensais que c'était un casse-tête qui me permettait d'avoir plusieurs invités et qui faisait une mosaïque de. C'est les coins, on fait juste les coins, on est okay. Un peu paresseux. Ah, c'est fou, dans le temps, on avait le boudoir. Oui. Comme émission, on avait le vestibule. On s'était dit on devait partir à la salle de bain. Tu sais? Waouh! On l'a réussi! Oh. Je pense qu'on a battu tous les records. Beaucoup de facteurs à retenir pour moi. Merci, Jean de Post-Canada. Beaucoup de facteurs à remercier. Beaucoup de facteurs! On se quitte sur Punchline, Mathieu. Hey, ça, c'est fou, Rana, Punchline de même, quand ouais. On se croirait à Samedi de rire. Samedi de rire. Je trouve pas que ce matin, les voitures, on aurait dit qu'il y avait une petite couche de sucre en poudre dessus. C'est, oui, comme un beigne. J'ai failli manger mon auto. C'est ça, mais j'ai regardé, il n'y avait pas de jus à l'intérieur. Donc, de jus de beigne. Gelé de beigne. OK, c'est comme du jus. La confiture. Là, hein? Toi, t'as comme aucun synonyme dans ton vocabulaire ou aucune nuance. Quand c'est liquide, c'est du jus. C'est du jus, puis c'est quoi la version solide? Tu veux pas savoir. J'ai pas dit qu'on faisait pas de blagues de mauvais goût ce matin. C'est pas de mauvais goût, mais on dirait que tu peux l'interpréter comme étant de mauvais goût. Non, c'était de mauvais goût, Mathieu. D'accord. Quoi manger avant, pendant et après un entraînement? Oh, c'est intéressant, ça. Et surtout pas un cupcake, j'imagine. J'imagine, non. C'est tout le temps la contrepartie, la balance, l'équilibre. Malgré que pendant, ça doit être drôle. Les cupcakes. Ah, ben, Colin, si je pouvais justement faire des genres de push-up, mais avec un cupcake à chaque fois, tu me changes de cupcake. Je peux me boucher à chaque fois que je fais push-up. Ben, on a enfin trouvé comment motiver Mathieu. Ouais. Ben, d'après moi, t'en mangeras pas, ben, pas de cupcake. Pas. À chaque push-up, tu es capable d'en faire un? Si c'est pour un cupcake, sûrement. Moi, je pense que tu vas juste tomber, foirer la face dedans. Bon, Colin, j'aime voir que t'as vraiment confiance en mes talents. Ben oui. On n'a pas de Pinterest puis d'Instagram. C'est sûr qu'on fasse avec un Instagram. Prendre des selfies de nous-mêmes devant le studio? Non, on fait pas ça. Non, mais Pinterest. Ouais. Ben, je sais pas. On aurait pas plus grand-chose à faire avec ça. Là. Si Pinterest était un site de pin, tu sais? Mais ah, ouais. Là je pourrais ouais. en mettre, mais ouais. Non, il y a pas ça. Tu pourrais mettre des photos de ta pin. Qu'est-ce que tu entends par la pin? Mes macarons, tu parles évidemment de mes macarons, mes oui, nombreux c'est ça, macarons. T'as toujours des beaux macarons avec des drapeaux, des groupes de musique. Puis des macarons avec de la crème dedans? C'est, oui, des petits gâteaux, c'est ça, avec une petite. J'ai colle avec de la gomme bleue. <T'sais>, pour pouvoir avoir toute une collation sur moi. Non, mais c'est parce que le gars, tu sais, il se met des macarons, mais vu qu'il a peur des aiguilles, il n'ose pas l'ouvrir et mettre après son chandail, qui colle ses macarons et de la gomme bleue sur son c'est chandail. Ça. On m'appelle Mataron. Mataron. Statue Park 1983, c'est là-dessus que se termine cette édition d'Assemblage Requis. Hey, fais-moi une chanson de chiptune pour le Mathieu Plancheau. Avec ma bouche? Blip, blip, blou, blou, boum, boum. C'était les instants classiques d'Assemblage Requis pour la semaine du 24 février 2014. Écoutez Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30 avec Jean-Philippe Charbon, Stéphanie Paradis et moi-même.